Lettre 63e, Sulpici à Théophanie, Nicomédie, décembre 302. Ta lettre, ma chère Théophanie, m'a procuré un vrai plaisir. J'eus un vif mouvement de joie en reconnaissant ton écriture. J'étais dans un de ces moments où, seul avec moi-même, et fatigué de la pompe qui m'entoure, je me rappelais doucement plusieurs images du passé. Cette belle soirée du jour de ton apparition à Saint-Thiome, la tristesse qui répondait si bien à ma mélancolie, se retraça si fortement à mon esprit que je courus à mes tablettes pour te dire que ni le changement de mon sort, ni celui de ma demeure ne pourront en apporter aucun dans l'attachement que tu m'as inspiré. Comme j'allais commencer à t'écrire, on me remit ta lettre. Ce fut une nouvelle preuve que nos cœurs s'entendent, et je fus pénétré de l'idée que tu penses assez bien de moi pour être sûr que je ne puis t'oublier. J'étais encore ému par tous ces sentiments quand Calpurnie entra chez moi quelques heures après. Je lui exposai ton désir, il y consentit sans peine, et parut même flatté que son ouvrage eût excité ton admiration, et que Lysias désira de le voir. Dans son enchantement, elle résolut d'offrir ses dessins à Lysias, ou plutôt à toi. Elle en a une copie, et de plus, l'original de la principale figure étant toujours autour d'elle, sa peinture lui devient bien inutile. Elle te prie donc de les accepter comme une preuve de son estime, et comme un souvenir de la soirée qu'elle a passée avec toi. Cette affaire fut arrangée dans un quart d'heure. Mais comment aurait-elle eu le temps de se rappeler sa promesse au milieu des plaisirs où nous vivons? Les fêtes de la paix, les Saturnales et mon mariage ont fait de Nicomédie le séjour le plus brillant. Ces fêtes bruyantes, cet étourdissement général, me fatiguent plus qu'ils ne m'amusent, mais produisent un effet contraire sur ma vive et légère amie. Elle est dans son véritable élément. 8 jours se passèrent avant que je pusse obtenir d'elle ses dessins. Enfin, elle me les a remis aujourd'hui, et je fais partir un esclave tout de suite pour te les porter. Il a reçu les ordres de te procurer tous les moyens les plus commodes de te rendre ici. Si tu pouvais te décider à me donner le plaisir de te revoir encore une fois, combien tu me rendrais heureuse. Je dois partir bientôt avec le roi, mon époux, pour l'Arménie. Ma santé est un peu meilleure en apparence que lorsque tu m'as vu à Saint-Thiome, mais je suis encore si faible qu'il me reste peu d'espoir d'être en état de soutenir ce voyage. Les médecins et Tiridate m'assurent que l'air si pur de l'Arménie me redonnera des forces et me rétablira complètement. Il est possible qu'ils aient raison, mais j'ai le pressentiment que cet espoir ne se réalisera pas. L'arbre, attaqué d'une maladie mortelle, conserve encore quelques feuilles. Son possesseur se flatte avec quelques soins de le voir renaître et lui donner de l'ombrage et des fruits. Vain et trompeur espoir. Attaqué dans le cœur, il souffre, sèche et périt lentement, consumé par l'ardeur d'un soleil brûlant et par les orages. Le doux printemps pourrait peut-être lui rendre la vie, mais le printemps et sa douce influence ne reviendront pas pour lui. Tu as imploré ton Dieu, Théophanie, pour le bonheur de ton ami. Je t'en ai remercié du fond de mon cœur, et je t'envie de pouvoir ainsi te rapprocher de la divinité. Toi qui te trouves abandonné du monde entier, tu l'es moins que moi, puisque tu peux prier avec l'espoir d'être exaucé. Je ne puis pas prier puisque la foi me manque. Nos dieux ne sont que des images insensibles qui n'entendent pas les vœux des mortels ou qui les gouvernent au gré de leur passion. Oh, viens, Théophanie, viens, apporte-moi tes douces consolations, inspire à mon cœur et ta foi et ta confiance. Avec quel plaisir je m'abandonnerai à tes instructions. Et puisque ton cœur n'est retenu par aucun lien d'affection, saisis le seul qui te reste, celui de l'amitié. Entoure-toi de celle de ta Sulpicie. Viens vivre avec lui à Ecbatane. L'attachement le plus tendre, la plus sincère, s'occupera à guérir les plaies de ton âme et à te rendre plus supportables les pertes qui ont causé ton malheur. Tiridate, à qui j'ai parlé du vœu de mon cœur, t'assure par moi qu'il le partage et joint ses instances aux miennes. Que d'attrait auraient pour moi les derniers jours qui me restent à passer à Nicomédie, et qu'il me serait aisé de supporter les fatigues du voyage si tu étais à mes côtés. Réfléchis là-dessus, ma bonne et chère amie, et donne-moi une réponse favorable.